Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'ai aimé d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'ai aimé d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. Oh mon Seigneur, les objections des anges s'avérèrent justes, j'en ai peur. Cet être de fange que l'homme n'apporta à ta création que ruine, corruption et tragédie. Ce tas de boue n'est qu'une trahison de l'esprit dans lequel tu conçus les univers. Il n'est que discorde et querelle quand tu es miséricorde envers la moindre particule. N'entends-tu pas les cris torturés de la planète bleue, cellule bénie mais percée de ces effatués que tu as placés comme rien de nom de ta lumineuse volonté qui refuse alors ton discernement. Étonné, je ne puis que me révolter de surcroît. Tu voudrais que moi qui suis fait de feu, je m'abaisse à me prosterner face à ce pauvre être de peu. Jamais plutôt disparaître et ne plus jouir de ta présence. Désormais je suis le traître maître, Seigneur, l'absence de sens. Et maintenant que je suis privé de ton rayonnement, ce sont les éléments bas des esprits humains qui sont mon aliment. Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'ai aimé d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'aimais d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. C'est qu'un djinn fervent et perdu d'adoration, servant ton unicité, origine du feu, du souffle et des passions. Maniement, ma respiration était de prière, ponctuée continuellement, réitération de louange. Si bien qu'auprès des anges, tu m'as élevé, tes hommages dans leur cœur. Durant des âges, je les ai chantés, dommage que tu m'aies brisé le cœur. Celui-ci ne battait que pour toi, mais tu ravis ma couronne pour faire d'une bête de somme un roi. L'homme, et depuis ma détresse, résonne de par le monde, ma rage. Résonne les ondes de ma fureur, frappe les failles de tes favoris, sonne sans cesse leur cloche et je appelle les appels à ton culte, faussant les paroles de vie qu'ils rapportent de toi, la pitié affectant, je les rends frelatés. J'apporte une autre lumière, celle flattant la vanité. Je suis Satan, l'adversaire me crie va-t'en, mais à mes serments répondent j'attends. Et je mens étant mon influence sur ta cybercréation. Entends ton vermisseau de séance, cet argon n'est plus qu'aliénation. Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'ai aimé d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. Je prends les anges étoiles, la témoin, mon Dieu, je t'ai aimé d'une passion sans voile, enflammé, tu m'as rejeté. Ma haine t'enracine à l'amour, jaloux et déçu, je le jure, je perdrai l'homme, réparé dans un fou, je m'emploierai à le précipiter. Mon Seigneur et mon Sire, je suis tel un cierge à la cire fondante. Ton courroux me fait frémir et tes coups sont des faits pires que tout. Si onéreux est le coup de ta paire généreux, mon cœur et je hais ces clous générant tant de douleur en moi. Ma croix est ton choix de faire d'une crâne créature ton roi. De ta froide ingratitude, je suis la proie. Moi, ton aimant rejetteur de ta voix, je tonne qu'à tort. L'homme m'a déformé en ce moment du mauvais. Je ne suis que torturé, ne m'as-tu pas pour me